Je fais mon possible, moi, pour avoir de saines habitudes de vie. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Natif de Chicoutimi, il n'a rien contre les crucifix, mais son nom est assez difficile à prononcer. Accueillez votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Vautier, oui. On prononce Vautier. Hey, bonsoir à tout le monde. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va donner amplement de temps à tout le monde de faire une petite prière avant l'émission, parce que c'est la nouvelle mode. Oui. Bonsoir Fred. Bonsoir. Vous priez souvent, vous? Ah oui, juste avant l'émission, moi je fais une prière pour le patron de la radio. Ah oui? C'est qui? C'est Saint-Tonise. OK. Moi, le parti qui va proposer d'abolir les jeux de mots, il y a mon vote. En tout cas, il y a une militante libérale qui a remis mercredi à Jean Charest une prière pour que Dieu aide son parti. C'est pas une blague. Et ça se lit comme suit, là. « Seigneur, je réclame le sang de Jésus sur notre gouvernement, sur M. Charest et sur le parti libéral. » Ben, je savais pas que Jésus était libéral, honnêtement. Ah, on l'appelle le Christ. OK. Il paraît que... Non, mais il paraît que quand Jean Tremblay a lu ça, il s'est mis à suinter, hein. Ah non, non, mais c'est ça. C'est comme la statue de la Sainte Vierge. Ouais, et comme on dit au Saguenay, et que tu fais soin. Deuxième prise, Fred. La troisième, t'es dehors. N'empêche que Jean Charest va en avoir besoin de prière parce que ça va pas trop bien dans sa circonscription. Il est deuxième derrière le candidat péquiste, ben, selon les sondages, évidemment. Ouais, et, ouais. Moi, je donne un 8 sur 10 au sondage. Ouais, c'est ça. Non, je pense qu'il est comme les jeunes, en fait, Jean Charest. Il travaille pas assez. François Legault le dit cette semaine. Les jeunes Québécois ne pensent qu'à la belle vie au lieu d'étudier. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tout être asiatique, hein? Non, non, non, mais ça, c'est vrai, ça manifeste pas ce monde-là, ça travaille. Oui, puis ça enlève pas les crucifix sur nos murs comme Jay-Z Bla, Ben Laden. Oui, oui, ben, parlant d'elle d'ailleurs, parlant de Jay-Z Bla, je vois pas c'est quoi le problème. Un crucifix, là, ça a jamais fait de mal à personne. Ouais, ben là, faudrait demander au gars qui est cloué dessus quand même. Bon, ça doit pincer, là, une ouais. fois, mais après ça, c'est bien correct, là, rien, non. Hey, parlant de crucifix, là, on dit rien cette semaine sur Québec solidaire. Ben ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. OK. Ben, la table de doigts, ils ont sûrement appuyé les Pussy Riots, là. Ah, ben ça, c'est sûr, comme tout le monde, en fait, sauf François Legault, hein, qui juge les Pussy selon leurs compétences. C'est ça qu'il a dit. Dans d'autres mots, oui. C'est ça qu'il a dit. Écoute, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de femmes à la CAQ, hein. Ils n'ont même pas été capables de trouver une femme plus compétente que Kamal Loutfi, quand même. Fallait y penser, ça. Ouais, mais... Regarde ça, là. Il en dit un cacarnac des affaires à hein, François Legault dans oui, une oui. semaine. Je pense qu'avec tout le vent qui sort de sa bouche, là, il pourrait facilement alimenter en électricité tout le 450, minimum. Et le 418. Et le 418. Ben, vous avez vu ça, d'ailleurs, je disais le Journal de Montréal ce matin, vous avez vu les sondages, hein? La CAQ domine et fortement dans la région de Québec, hein? Ouais, mais c'est quoi la méthodologie de ce sondage-là? Ben, c'est Jean-Jacques Sanson, le caquiste de Québécois, qui a écrit les questions et les réponses. C'est sûr que Jean-Jacques, c'est un gros échantillon. Là. Ouais, ben, parlant de gros échantillons, d'ailleurs, Fred, il y a le docteur Barrette qui a enjoint tous les obèses. J'ai pas fini ma phrase. Il y a le docteur Barrette qui a enjoint tous les obèses à voter pour la CAQ suite aux propos de Pauline Marois sur les saines habitudes de vie. Hey, tous les obèses qui votent pour la CAQ, là, c'est probablement la meilleure chance de Legault d'avoir un gouvernement majoritaire. Ouais, hein? Ça, c'est vrai. Ouais, enfin. Et parlant pas de gouvernement majoritaire, on voulait avoir Jean Charest, mais finalement, il nous a envoyé son garde du corps, Robert Poëty, candidat dans la circonscription de Marguerite Bourgeois. Elle n'a pas mélangé avec Marguerite Blair. Non, non, ça c'est non. Ça c'est mélangeant. Et on avait aussi demandé un candidat vedette du Parti québécois, puis il nous a envoyé un stagiaire, Léo Bureau-Blouin. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est petit. Il est là, fin. En tout cas, il a l'habitude de se coucher assez tôt, hein? Mais il y a encore du temps devant lui parce que la soirée est encore jeune. Bon, pour ceux qui préfèrent les internets, Olivier, nos adresses. Ben oui, notre site, c'est radio-canada.ca/la soirée, toutes sortes d'affaires là-dessus. Et je vous invite aussi à nous suivre dimanche soir sur Twitter pendant le débat des chefs. On va sûrement faire des beaux commentaires sur les coupes de cheveux des candidats des affaires. Ah ouais, ouais, super précis. De main, merci beaucoup, Olivier. Grosse semaine d'actualité. Ah ouais. Tellement qu'on n'a même pas eu le temps de parler du petit bébé lynx qui est né au Biodôme cette semaine. Ah ouais. Il est-tu beau? Je sais pas si vous l'avez vu. J'espère que le docteur Barrette va pas le manger. Ah, là, franchement, Fred! Franchement, faites-nous pas des pâtes. Mais en même temps qu'il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de problème. Alors, on le sait, là, le dossier du fondateur de Wikileaks foisonne depuis très longtemps de détails très, très juteux. Et cette semaine, ben, bien que Julian Assange ait eu la confirmation que l'Équateur lui accordait l'asile, ben, il demeure prisonnier de l'ambassade à Londres. On a eu un petit peu pitié de M. Assange et c'est pourquoi on a décidé d'en faire notre top 5 hebdomadaire. Alors voici donc les 5 meilleurs endroits où pourrait se réfugier Julian Assange. Hey, c'est... J'ai ça dans la gorge, hein? Ça doit être le petit lynx. Ça vous rend beaucoup émotif, ça. Ça doit être le petit lynx. En cinquième position, à Chicoutimi. Ah, ça, oh, ça serait une belle place. Pas sûr, il est quand même, c'est quand même un nom difficile à prononcer pour le mettre en blé, ça. Quoi ça. Qu'il y a Ange dans son nom, hein? Ouais. Quand même. Ouais, ça. En quatrième position, en Angleterre. Ça marche pas, ils veulent l'arrêter en Angleterre. Ben non, mais attends, il y a juste à se partir une dictature au Chili avant de demander l'exil. Tu vas voir qu'après ça, les Anglais vont te le protéger. Ça sera. Ah, oh, ouais. Ça va être peur. C'est con. C'est compliqué, hein? Ouais, ouais. En troisième position, à Marineland. Hey, c'est pas bien fin. Ils maltraitent les poissons, ce monde-là. Il y a juste à dire que c'est pas nager. Peut-être. En deuxième position, chez Option Nationale. Pas fou. Ah, ça, c'est pas fou. Meilleure ça. Façon pour Assange de rester dans l'anonymat. Oui, puis ça ferait deux candidats à Option Nationale. On va le mettre dans le coin. Et le meilleur endroit où pourrait se réfugier Julian Assange, dans la valise de char de François Rebello. Parle-moi de ça. Ils vont être serrés, les deux, là-dedans. Hein? Ah, c'est sûr. Pas beaucoup de place pour respirer. Fred, notre premier invité. Ex-leader étudiant, il brigue les suffrages pour le PQ dans la Val-des-Rapides. Il a promis de déménager dans son comté s'il est élu, mais il devra d'abord convaincre ses parents de vendre leur maison de Saint-Hyacinthe. Voici Léo Bureau-Blouin. Ah, rapprochez-vous, Léo. Bonjour. Ah! Ben, je suis content de vous voir à l'émission. Léo, j'offre toujours une petite bière à nos invités. Est-ce que vous en voulez une, vous voulez? Ben oui, bien une sûr. Une petite blonde ou une petite rousse? Ben... M. Martineau, il serait fâché, pas, me dites pas. Non, mais c'est pas de la sangria. C'est pas de la sangria. La sangria. Hein. Mais je vois votre copine là, sur la une de la semaine. Je vais vous donner une blonde, OK? Bon. Hey, il y a 4 pages sur vous dans la semaine, hein? Rien de moins. Ben, c'est bon. Il y a la dernière heure aussi, je sais pas si vous voulez. Non, je lis juste la semaine. J'essaie de me. Je suis un peu fâché contre vous, Léo, ce matin. Pourquoi? Parce que j'ai lu Le Devoir. Et il y a un article qui disait, qui rapportait les propos de Martine Desjardins, qui était avec vous d'ailleurs au lancement de la saison de l'École nationale de quelque chose, une affaire intellectuelle, qui a avoué que vous aviez été très, très dur avec Lynn Beauchamp. Très, très dur, même peut-être trop dur. C'est vrai ça? Bien, c'est-à-dire, c'est vrai que les associations étudiantes ont parfois été dures avec la ministre de l'Éducation parce qu'elle avait une pression importante de son caucus et des fois, on la tenait responsable de ce qui se passait, alors que c'était peut-être les gens derrière qui ne voulaient pas que ça avance. Est-ce que vous vous excusez à Mme Lynn Beauchamp? Bien, je pense qu'il y a une part de responsabilité qui est partagée. De là à s'excuser, peut-être qu'on n'ira pas jusque-là. Non, mais vous pourriez quand même faire un petit « je m'excuse ». On a Lynn Beauchamp, c'est pas vrai. Mais, non, vous aviez peur. Hein? Mais on vous présente quand même, dans les 3 leaders étudiants, évidemment, on avait Martine Desjardins la semaine dernière, mais on vous présente quand même comme la personne la plus mature hein, des 3. Vous étiez le plus calme, le plus posé. Mais je vous écoute là, depuis votre annonce de candidature. C'est-tu moi que vous avez attrapé la langue de bois? Qu'est-ce qui se passe? Elle est toujours vivante? Non, mais il me semble que vous êtes rendu plate que le tabarouette. Je fais plein de jokes, là. Vous faites plein de jokes depuis quand? Non, mais je vous écoutais quand, d'ailleurs, ce matin, à C'est bien meilleur le matin. Vous étiez en débat, d'ailleurs, avec tous les candidats de la Val-des-Rapides. Et je me disais, Léo est rentré dans le moule. Ça se peut-tu, ça? Mais c'est pour ça que je suis ici. Pour vous devenir un peu moins plate. Ah oui, pour vous sortir de ce moule-là. Bon, on va vous sortir de ce moule-là. Je vous écoute, ça va être difficile. Non, mais ça, vous me faites peur parce que là, vous ressemblez à Mario Dumont, mais de la gauche, là. Si on vous pose la question, Léo, là. Pour s'amuser, Léo Bureau-Blouin, il fait quoi? Il joue aux cartes, il joue Mozart. et la fin de semaine, ça m'arrive de lire la semaine aussi. C'est vrai. Mais là, vous prenez pas de drogue, tequila Heineken, non? Ah, rien c'est pas vous, tout, rien de ça. Mais parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas bien au PQ. C'est pas votre parti. André Boisclair, Louis Baudouin, Yves-François Blanchet, ça brasse ce monde-là. Ouais, ouais. Vous arrivez déjà comme le petit calme à 20 ans. Puis si je vous pose la question, là, qu'est-ce que vous avez dans votre iPod? Ben, plein de choses. De la musique. Ouais. Ah, ben ça, c'est une musique. Bonne affaire. Déjà, plus d'harmonium ou plus du malajube? Ah, plus du malajube, quand ah, même. Ah oui, quand même. Ah, ben ça, ça me rassure. Faut arriver en 2012. Est-ce que vous avez aussi la chanson de votre parti? Non, celle-là, je ne l'ai pas. Ah, vous ne l'avez pas? Elle est très, très bonne. Vous avez fait le saut en politique assez rapidement, c'est-à-dire entre, évidemment, le conflit étudiant, la petite pause que vous avez eue quand vous avez, évidemment, quitté votre poste, et cette annonce de candidature. Est-ce que vous avez fait ça trop rapidement, peut-être? Est-ce que vous auriez aimé prendre plus de temps? Bien, c'est sûr que le contexte électoral a provoqué un peu la situation rapidement. Mais je pense qu'à un moment donné, on a des projets, on a des convictions en tant qu'individu et il faut saisir les opportunités qui se présentent à nous. Et je pense que cette élection-là, vraiment, ça va être une élection historique. Vous savez la dernière personne qui m'a dit ça? C'est qui? Pierre Duchesne. Non, mais c'est tellement rapide, d'ailleurs, que vous avez, je pense, oublié votre batte de baseball la dernière conférence quand vous avez annoncé votre candidature. C'est votre batte de baseball, ça? C'est pour qui, ça? Ben, c'est pour vous. Il me semble que vous croisiez des vitres avec ça il n'y a pas si longtemps. Non, c'est vrai, mais il y a une autre chose aussi. Je suis parti un vitrier depuis. C'est ça, business, pas fou. Mais on sait que quand vous avez changé de camp, il y a quelqu'un qui n'était pas content dans votre gang. C'est Gabriel Nadeau-Dubois. Vous êtes un peu chicané, Gabriel? Ah, c'est pour ça qu'il est parti. Ah oui? Ah, il était tellement en tabarouette. Non, mais je veux dire, est-ce que vous parlez encore? Est-ce que vous vous textez, vous envoyez des petits messages Facebook? On s'est vu pas plus tard qu'hier à l'Institut du Nouveau Monde. Ah, c'est ça que je cherchais. Non, mais est-ce qu'on reste des amis quand même, pour vrai? Est-ce que vous étiez des amis avant, Gabriel? Parce qu'il a été dur envers vous, Gabriel. Oui, bien, je pense que c'est plus le temps passe, plus on est en mesure de passer à autre chose. Mais quand on est très près des événements, c'est difficile des fois de passer par-dessus. Et là, maintenant que lui n'est plus dans la classe, est-ce que vous avez des mots durs pour Gabriel Nadeau-Dubois? Non, j'ai toujours été très respectueux envers les gens qui s'engagent en politique, même si on a parfois des différends. Oui, bien non, mais je comprends complètement. Là, maintenant, vous êtes en campagne électorale dans Laval-des-Rapides. D'ailleurs, ça m'a surpris, vous avez dit que vous alliez déménager si vous étiez élu. Est-ce que vous êtes déjà allé à Laval-des-Rapides? Bien sûr. Oui. Je passe toutes mes journées là, de 8h le matin à 9h le soir. Parce que vous faites du porte-à-porte. Bien sûr. Ça doit pas être très dépaysant, c'est comme un peu passer l'Halloween. Mais non. Non, mais les bonbons en moins. C'est ça. Mais si vous les donnez, les bonbons, vous les recevoir. Mais n'empêche, vous faites beaucoup campagne. On vous a vu récemment dans une résidence de personnes âgées avec Gilles Proulx. Là, il y a des bonbons. Non, mais pourquoi y aller avec Gilles Proulx? Est-ce que vous alliez voir Gilles Proulx ou vous étiez allé avec Gilles Proulx? Non, pour vrai, pourquoi Gilles Proulx? Ben parce que Gilles Proulx est une personnalité qui m'a donné son appui puis qui est très apprécié des personnes âgées parce que lui, il fait des conférences sur ses voyages et ça visait à illustrer un peu la solidarité intergénérationnelle et que c'est pas parce qu'on est un jeune qu'on peut pas avoir des préoccupations à l'égard des personnes plus âgées. D'ailleurs, c'est un de vos engagements, l'engagement numéro 7 sur 8. C'est plate pour eux quand même. Il passe quand même 7e. Il y en a 10. Oui, il va en avoir 2 prochains mardi prochain. Ah oui, c'est vrai, vous révélez ça à chaque jour. Il faut garder là. Un peu de suspense. Ah oui, comme le sinon calendrier de l'Avent à Noël. Là. Ben oui, c'est ça. Non, mais si vous continuez à être plate, ça se pourrait qu'on ne vous réinvite plus, par exemple. Non, quand même. Madame Marois a dit la semaine dernière, puis ça m'a un peu attristé, vous étiez trop jeune pour être ministre. Est-ce que vous pensez vous-même que vous êtes trop jeune pour être ministre? Ben moi, je me présente d'abord et avant tout pour représenter les gens de la circonscription. Je pense qu'il faut y aller étape par étape et je n'ai pas la prétention de devenir ministre du jour au lendemain. Mais est-ce que vous auriez aimé ça? Et si oui, de quel ministère là? Je lance ça comme ça. Là. Mais je pense, comme je disais, il faut y aller. J'ai beaucoup de croûte à manger. Je ne suis pas un vieux routier de la politique. Il faut que je démontre ce dont je suis capable. Ben, ça paraît pas. Ah non? Honnêtement, je pense. On dirait que vous avez déjà beaucoup d'expérience en politique, bureau Léo Blouin. N'empêche... C'est compliqué, trois noms, ça. On va parler un peu de grève étudiante, parce qu'évidemment, vous êtes le leader sortant de la FEC, oui. Vous avez appelé les leaders étudiants à une trêve électorale. Oui. Ça n'a pas fonctionné fort, fort. Bien, au contraire. Ah oui, comment ça, donc? Ben, Gabriel vous a envoyé promener. Oui, mais les étudiants ont voté en faveur de la trêve électorale. La plupart des collèges sont rentrés en classe. Ils vont voter massivement, je l'espère, le 4 septembre. OK, donc là, juste pour me démêler, le retour en classe de tous les cégeps, en fait, ou presque, c'est un point positif pour vous maintenant? Bien, c'est-à-dire que dans un contexte électoral, on fait la grève pour quoi? On fait la grève pour faire pression sur un gouvernement. Oui, tout à fait. En temps électoral, il n'y en a pas de gouvernement. Et en temps électoral, on a la possibilité de choisir notre gouvernement et de l'élire. Et les libéraux voulaient utiliser la grève, je pense, pour masquer leur bilan des 9 dernières années. Donc, c'est important de ne pas embarquer dans leur jeu. Le 5 septembre, tous les cégeps retournent en grève. Bien, pas si on élit un nouveau gouvernement. Ah, mon Dieu, vous avez une bonne stratégie derrière ça. Ça paraît pas. Ça paraît pas. Cela dit, on va parler un peu des hausses de frais de scolarité en terminant, parce que évidemment, vous étiez contre la hausse des frais de scolarité. Vous vouliez un gel, mais même plus. Hein, la gratuité scolaire, c'est votre ultime objectif. Pourtant, c'est pas nécessairement ce que le Parti québécois prône. Hein, on va s'entendre. On annule la loi quand même 78 et on annule la hausse des frais de scolarité. Cependant, on veut l'indexer au coût de la vie. Ça va un peu à l'encontre de vos principes. Je me trompe? Faut faire attention. Chacune des associations étudiantes défendait des positions qui sont différentes. Oui, mais vous avez quand même été pour la gratuité scolaire à quelque part. Est-ce que vous allez militer pour la gratuité à l'intérieur de votre parti? À la Fédération étudiante, nous, ce qu'on prônait, c'est de ne pas avoir d'augmentation de droit de scolarité. C'est ce que propose le Parti québécois, d'abolir la loi 78 et tenir une vaste consultation où on va dégager des consensus. Moi, au sein de ce parti-là, je vais continuer de défendre le gel des droits de scolarité, mais je ne suis pas quelqu'un de dogmatique. Je suis là pour qu'on essaie de trouver des solutions. Donc, visiblement, vous êtes très flexible. Mais j'ai une dernière question pour vous, Léo. Le 22 août approche à grands pas. Est-ce qu'on va vous retrouver dans la rue avec votre carré rouge et votre batte de baseball que vous avez retrouvé? Est-ce que vous allez être là? Le 22 août prochain, l'agenda n'est pas fait jusque-là, mais j'ai beaucoup de débats. Le 21, je vais être au collège Montmorency. Ouais. Et le 22, je vais me concentrer dans ma circonscription. Ah, fait que vous n'allez pas être de la marche? Ben, on ne peut pas être là à toutes les marches non plus. Hein? Ouais, Gabriel était là, lui. Hein? Nipichat de Blédin le 22, c'est ça? Nipichat de Blédin à la Val-de-Rapide le 22? Non, mais pour vous, vous n'allez pas être de la marche? Avec Gilles Proulx. Non, mais n'empêche, donc on ne vous verra pas le 22 août, mais est-ce qu'on va avoir d'autres candidats du Parti québécois le 22 août? Ah, c'est possible. Il y a des gens du Parti québécois qui ont pris part à la plupart des manifestations qui sont déroulées dans les derniers mois. Mais la raison pour laquelle moi je m'investis en politique, c'est que je pense que c'est une des meilleures façons de faire changer les choses de manière durable. En élisant un nouveau gouvernement, on a la possibilité d'avoir un nouveau projet de société et de pousser plus loin l'accès à l'éducation. Moi, je trouve que ça, c'est motivant. Ben, bonne chance avec Gilles Proulx, Léo. Vous restez avec nous quand même. L'immigration est un sujet franchement divertissant pendant la campagne. Avec mon batte, ah oui, ben je sais d'ailleurs, je vais leur prendre la batte de baseball, ça ne vous dérange pas, je stresse un peu. Puis on reçoit Robert Poitier tout de suite après. N'hésitez pas. Non, hey, c'est moi qui gère ça. L'immigration est un sujet franchement divertissant, oui, dans la campagne. Tout le monde a son opinion assez tranchée là-dessus. Plusieurs régions du Québec en profitent d'ailleurs pour faire la promotion afin d'attirer les meilleurs candidats. Le Saguenay a d'ailleurs été la première à se jeter à l'eau. On l'écoute. Vous cherchez un endroit pour vivre en liberté et fuir la répression d'une dictature religieuse? Vous maîtrisez le français et n'avez pas peur de vivre en région éloignée? Gens du Maghreb, le Saguenay est pour vous! Amène ton gigot, on fournit les gigons! Je vous le dis tout de suite, là, je suis loin d'être raciste. Puis même, on encourage les immigrés à venir ici à Saguenay, on en mange. Le Saguenay, des gens accueillants qui aiment la diversité, tant que ça reste dans la palette du blanc, blanc pâle ou beige pastel. Madame Benhabib, là, m'a dit comme lui, son nom est difficile à dire. Là. Une culture catholique millénaire qui laisse une belle place à l'ignorance. Ils rembarqueraient tout dans l'avion, là, puis ils retourneraient chez eux, puis restez chez vous, puis venez pas nous écœurer ici. Entre ça et Ben Ali, le choix est simple, simple, simple. Parce que j'ai tremblé, là. Il a raison. Choisissez Ben Ali. On lui a eu à la tête, tout ça, là. On va pas les écœurer. Pourquoi ils viennent nous écœurer, là, de suite? Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est gênant. Votre région, ça! Oui, hein? Je suis assez fier de temps en temps de venir de là, de temps en temps. Vous êtes toujours à l'écoute de La Soirée est encore jeune. Hey, je sais, il est beau, il est jeune, il est pertinent et surtout, il est plein d'audace. C'est notre Tintin à nous qui écoute l'appel du danger pour couvrir les événements qui passeront à l'histoire. C'est Jean-Sébastien Girard qu'on retrouve immédiatement. Jean-Sébastien, bonsoir! Ah, bonjour, mon bon Jean-Philippe! Vous êtes où aujourd'hui? Je me trouve présentement dans le tout petit village de Saint-Bonaventure. C'est dans la circonscription Nicolet-Yamaska. Je suis ici dans le but de découvrir un politicien qui s'appelle... Attendez que je retrouve son nom dans mes feuilles. Jean-Martin Hossan. Jean, je sais pas c'est qui. Ben moi non plus, je le sais pas. Hein. En fait, on le sait pas. Personne c'est qui, puis il veut participer au débat. C'est cute, hein? Ouais, c'est beau. Oui, ben écoutez, on va en profiter pour lui parler. Il est juste à côté de moi. Alors, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bonjour. Alors, première question. Vous êtes qui, vous, toujours? Laissez-moi chercher dans vos papiers. Je suis Jean-Martin Hossan. Jean-Martin Hossan, et vous dirigez? Le nouveau parti Option Nationale qui existe depuis environ 8 mois et qui va très, très bien. Parfait. Et comment se déroule la campagne? Sur les chapeaux de roue, parce qu'on a un comté immense de 37 municipalités. Puis en plus, comme je suis chef de parti, bien, on couvre un peu aussi le territoire du Québec. Donc, c'est une campagne très, très active. Bon, parfait. Maintenant, j'exige une preuve, à savoir si vous êtes vraiment connu. On est présentement sur la galerie de quelqu'un, parce qu'on fait du porte-à-porte. Donc, on vient de sonner ici dans une maison. Il y a quelqu'un qui s'en vient nous répondre. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien de Radio-Canada. J'ai une grosse colle pour vous. J'ai quelqu'un à côté de moi. C'est qui, celui? C'est Jean-Martin Hossan. Oh. Ben voyons donc, vous savez c'est qui? Je le connais, c'est notre député dans le comté de... Anciennement, Nicolette Yamaska. Maintenant, c'est Nicolette Bécancourt. Mais c'est toujours le député. Là, on va tout faire pour le faire réélire. OK, vous êtes pour lui? Ah oui, oui, oui. Oui? Parce que c'est un inconditionnel de souveraineté, puis c'est ce qui nous intéresse avant tout, tant qu'à moi. Bon. Ben écoutez, Jean-Philippe, visiblement, on est bien tombé. Alors, puisqu'il y a des gens qui le connaissent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un peu de sa plateforme un peu plus tard, parce qu'on va se dire les vraies affaires. Donc, je vous reviens dans quelques minutes, on va parler de politique avec Jean-Marc Hossan. OK, ben, Jean... oui, ben, vous dites bonjour à Jean-Martin, là. Hein? Bye-bye. À tout de suite. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Bautier. Une émission qui vous incite à voter, mais on vous dit pas pour qui. Il est à peine plus connu que Jean-Marc Ossant, mais sa plume est beaucoup plus acerbe. Fred Savard. Bonsoir, Jean-Philippe. Ben, vous l'avez sûrement remarqué, c'était la semaine québécoise du préjugé, hein, et pour l'occasion... National même. Et pour l'occasion, nous avions deux porte-parole, Jean Tremblay et François Legault. Bon, je ne reviendrai pas trop sur les propos xénophobes et racistes de la grenouille de Bénitier du Saguenay. Je vais me contenter de prier pour le salut de son âme, si ça devrait faire sa fin de semaine. Évidemment, je ne voudrais absolument pas mettre Jean Tremblay et François Legault dans le même calice. Ce sont deux huiles complètement différentes. Legault joue du préjugé beaucoup plus par maladresse que par bigoterie et aspire à des fonctions beaucoup plus importantes que la simple mairie en région éloignée. D'ailleurs, le Saguenay ne nous a jamais paru aussi loin que par la bouche de Tremblay, là où l'hostie se fond un dans l'autre. Mais ça n'excuse pas non plus Legault de colporter des préjugés comme il l'a fait cette semaine au sujet des Asiatiques qui, selon lui, seraient beaucoup plus travaillants que les Québécois. En fait, François était plus précis, il a dit que ce sont surtout les jeunes qui sont paresseux. Ouais. À la décharge Legault, il a quand même une feuille de route qui lui permet peut-être de critiquer les plus jeunes puisqu'il a réussi dans la vie, lui, ayant fondé dans sa jeunesse une compagnie Air Transat qui l'a rendu millionnaire. Et on s'entend que devenir millionnaire est possiblement l'ultime but qu'un jeune devrait poursuivre aujourd'hui, si on en croit Legault. Et je peux comprendre la fixation de Legault pour les Asiatiques. Ce sont les seules personnes réellement confortables dans les avions d'Air Transat. Voyez, moi aussi, je peux faire dans le préjugé, puisqu'on sait très bien que les Asiatiques ne sont pas tous petits. Il y en a un de ses pieds qui joue au basketball dans la NBA. Je pense qu'il s'appelle Lang Lang. Et Legault n'a pas complètement tort, d'ailleurs. C'est vrai que certains membres de notre belle jeunesse sont plutôt paresseux. Mm-hmm. Léo Bureau-Blouin est un bon exemple, lui qui n'a pas eu le cœur de terminer ses études. C'est vrai, ça. Et qui préfère aspirer à devenir le plus jeune député de l'histoire du Québec alors qu'il passera ses après-midi à l'Assemblée nationale comme backbencher à pas dire un mot tout en encaissant son 140 000 sous mon bras. C'est pas autant que ça. Genre. Mais tant qu'à comparer la jeunesse québécoise et asiatique, aussi bien le faire sur des bases communes, comme par exemple le taux de suicide. Là-dessus, il faut donner l'avantage aux jeunes Asiatiques qui ont de meilleures raisons de se suicider que nos jeunes Québécois. Les Asiatiques le font souvent parce qu'on les refuse dans les universités, seule planche de salut pour trouver grâce aux yeux de leur société. Alors qu'ici, nos jeunes se suicident. On sait pas trop pourquoi, ils filent pas, sont déprimés. Et souvent, ils ont quitté l'école sans avoir eu la chance d'être refusés à l'université. Ouais. Voilà d'ailleurs un autre argument pour augmenter les frais de scolarité de l'université pour qu'enfin nos jeunes se suicident pour les bonnes raisons. Mais c'est vrai, frère. Mais les comparaisons ne s'arrêtent pas là. On sait très bien que nous sommes collectivement des gauchistes allergiques au profit et aux entrepreneurs de la trempe de Legault. Encore une fois, il faut donner raison à François, les Asiatiques nous torchent aussi dans ce domaine avec la Chine, le Laos, la Corée du Nord, le Vietnam, sans oublier le Cambodge de Pol Pot et ses sympathiques mères au carré rouge. L'Asie a été dans le passé le paradis du communisme, exactement comme le Québec aujourd'hui. Ouais, ouais. Et si jamais le grand bond en avant que propose Legault se matérialisait d'ici une génération, n'y aurait-il pas un danger que nos jeunes crottés québécois deviennent si industrieux que nous fassions face à une grave crise de pénurie de main-d'œuvre? S'il se crée des centaines de Air Transat pour nous propulser au firmament du succès, qui fera rouler nos chaînes de montage? Qui acceptera les emplois mal payés que nous aurons laissés afin de devenir de prospères PDG? Nous n'aurons pas le choix. Nous devrons faire venir des Asiatiques. Et ça veut dire que le communisme ne se portera que mieux au Québec. Voilà où nous mènerons les préjugés. Nous mangerons notre pâté chinois avec des baguettes. C'est compliqué à comprendre, Fred. Oui, ben, la réécouterez. Ouais. Je la réécouterai en balado. C'est ça qu'on fait. On va retourner discuter avec l'ami Jean-Sébastien qui fait du porte-à-porte. Jean-Sébastien? Ben, ça va assez mal parce que j'ai perdu M. Ossant. Il est en train de prendre un appel présentement. Je lui fais des signes, puis malheureusement, il ne vient pas à nous. Alors, on va parler avec un citoyen. Là, au pire, vous pouvez poser des questions à Léo Bureau-Blouin. On va y faire de la publicité. Là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une bonne question. Ben oui. Bonne idée. Oui, Léo? Oui. Ah, le monsieur Ossant est revenu. Monsieur Ossant, on est toujours en direct. Donc, la question que je voulais savoir, c'est qu'il y a Philippe Couture qui a écrit dans Internet « J'aimerais l'entendre sur la nationalisation des ressources naturelles. A-t-il calculé le prix que ça peut coûter? » Mon Dieu, ça m'intéresse tellement pas, cette question-là. Je vais vous poser une autre question qui nous vient de monsieur Alain Lachapelle. Il dit « J'ai lu dans le Huffington Post que vous êtes le chef le plus sexy du Québec. On parle aussi beaucoup de votre charme dans les médias sociaux. Ma question, est-ce que c'est vrai que vous êtes sexy? » Pas mal, oui. Si vous demandez aux gens dans le comté ici, ça va être assez unanime. Okay. Et vous vous basez sur quoi pour affirmer ça? Sur mon opinion personnelle, essentiellement. Oui, mais ça se vaut bien. Autre question qui vient maintenant de M. Robert Auger. Dans l'éventualité d'un Québec souverain, qu'arrivera-t-il de la péréquation? Mon Dieu, je ne sais même pas c'est quoi la péréquation. Je vais plutôt y aller avec une question de Mme Michel Fortin. Est-ce que vous vous teignez les cheveux et est-ce que vous utilisez un shampoing mauve? Non, du tout. Si je les teignais, il ne serait pas blanc et mon shampoing est incolore, je pense. Incolore. Parfait. Et là, plus sérieusement quand même, mon bon Jean-Claude, vous méritez quelques secondes pour une question sérieuse, une question qui concerne souvent les petits partis comme les vôtres. Qu'est-ce que vous pensez de, du vote stratégique? Il faut s'en sortir de cette menace-là. En fait, le vote stratégique existe simplement parce qu'on n'a pas de proportionnalité dans le système. Et comme par hasard, les deux grands partis qui alternent depuis 40 ans au Québec veulent conserver ce système-là qui leur donne un monopole sur le vote. Donc, le vote stratégique ne devrait pas exister. Il faut voter selon ce qui est le plus près de nos valeurs. Et le jour où on aura un système proportionnel comme on le veut, nous, à Option nationale, on pourra faire ça. Ah bon, excusez, j'ai été complètement dans la lune. Tu sais, des fois, il s'agit d'une seconde d'inattention, puis on part, on est complètement ailleurs. Je suis vraiment désolé. Écoutez, je continue à parler avec M. Hossan et on vous revient dans quelques secondes si c'est toujours intéressant. Ben oui, ben bonne chance avec M. Hossan. Là. Attachez-la avec une chaîne. Oui, on l'attache. OK, parfait. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Fred, notre deuxième invité. Ancien policier de la SQ, notre deuxième invité s'est fait connaître en appuyant vigoureusement les policiers et la loi 78 lors du conflit étudiant. À notre plus grande surprise, il se présente maintenant sous la bannière libérale. Voici Robert Poetti! Ah, M. Poetti. Ben, vous êtes pas mal plus fiable que Jean-Martin Hossan. Je peux-tu vous le dire, ça? On entend ça, hein, télé? Ah, oui, on entend ça de plus en plus. C'est un thème qui est populaire, pas fiable. Pas fiable. Pour Jean-Martin Hossan, ça. Monsieur Poitier, une bière? Vous êtes en service en ce moment? Je mélange pas avec l'eau. Ça me rend malade. Ah, mon Dieu! C'est ça qui arrive souvent à Fred Savard, mais il est malade quand même. Il mélange. Ouais. Je suis très, très heureux d'avoir enfin un policier à l'émission. Honnêtement, c'est très difficile d'avoir. On a souvent des policiers à l'extérieur, mais ils rentrent jamais. Puis là, on en a enfin un à l'émission, en plus, qui se présente dans la circonscription de Marguerite Bourgeois. J'ai une question que j'ai envie de poser depuis très longtemps. Rouler ses R dans la police, est-ce que c'est une obligation? Ben écoutez, je pense peut-être quand on écoute peut-être trop Claude Poirier et que ça déteint un peu. Là, je vous dire, quand je suis un ancien policier. Ça fait quand même sept ans que j'ai quitté. Mais ça a l'air qu'on ne se rend pas complètement non, la police. Non, c'est ça. Non. Monique Jérôme Forget, c'est une police aussi? Non, je pense pas qu'elle soit policière. Non, pas du tout. On se posait la question aussi. Vous avez annoncé que vous étiez candidat au Parti libéral. Évidemment, il y a ça très peu de temps. J'ai été extrêmement surpris de votre candidature au Parti libéral. Honnêtement, quand j'ai appris ça, moi, je me disais, mais moi, j'étais convaincu que vous étiez déjà candidat au Parti libéral, en tout cas, au moins porte-parole. Je vous écoutais au 98.5, je me disais, ce gars-là est porte-parole du Parti libéral. Premièrement, je vous remercie de m'écouter au 98.5. Vous êtes très surtout, bon. Vous êtes à 95.1. Mais, ouais, non, écoutez, on écoutez, se non, ça, je dois vous dire, j'ai commenté l'actualité policière pour les opérations policières, mais j'ai jamais commenté la politique. D'ailleurs, j'ai jamais été membre d'un parti politique. J'avais jamais cotisé un parti politique. J'ai économisé pas mal d'argent. Oui, c'est bien ça, je comprends donc. Mais en fait, j'expliquais le travail des policiers parce qu'effectivement, c'était pas simple. On l'a bien vu. Donc, dans ma sphère d'activité, mon expertise, oui, mais j'ai pas parlé de politique. Ben, vous avez quand même commenté la commission Charbonneau. Ah, bien ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. En fait, que la commission, les gens m'ont demandé, est-ce que c'est une bonne idée que la commission soit là? Je pense que oui, mais ce qui est encore plus important, c'est l'unité permanente anticorruption. C'est-à-dire que la commission, on va en parler, mais personne ne va aller en prison avec la commission. L'unité permanente anticorruption, c'est 200 personnes, 30 millions. Si vous aviez un budget de 30 millions pour faire votre émission, on ne serait pas assis sur ces chaises-là. Ah, on a un petit peu plus. Alors, frais de savoir coûte très cher. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que 30 millions annuellement avec 200 personnes pour compter de la criminalité, en ce qui me concerne, c'est un outil extraordinaire. Et ça fonctionne bien? Ben, écoutez, regardez les gens qui ont été accusés, ben, regardez les gens qui ont été arrêtés. Et je regarde surtout la note que le premier ministre s'est donnée, 8 sur 10, ça sert à quelque chose, 30 millions. Ben, écoutez, là, moi, je ne suis pas professeur d'école, mais... vous donneriez combien à Jean Charest, à votre moi, chef? Moi, je suis très mauvais dans les notes, pour être honnête. C'est les policiers, c'est peu scolarisé habituellement, et puis les gens pensent qu'on n'est pas capable de compter. Alors ouais, moi, ouais, c'est ça. Non, je vais avec des A, des B, des C. Bon, on va aller avec facile. Des lettres, d'abord. A, B, C... On n'ira pas là du tout. Non, en fait, non plus. Ce que je pense que... Ça a passé proche, hein? Ouais, c'est ça. Ça arrivera pas. Alors, non, ça arrivera pas. Écoutez, moi j'essaie de travailler sur les faits. Qu'est-ce que le gouvernement en place a fait pour contrer cette crise? Vous avez parlé de la loi tantôt, 78, qui à ce jour n'a jamais été utilisée. Ceci est une police d'assurance pour permettre aux étudiants qui voulaient revenir en classe. T'en rappelles, Léo, il y en a qui voulaient y aller? Donc, ceux qui voulaient revenir en classe... Passe-moi le bac, là. Ceux qui voulaient revenir... ceux qui voulaient revenir en classe, bien, la seule façon de pouvoir le faire, c'est de leur permettre d'entrer. Oui. La façon de rentrer, bien, c'était évidemment le spectre de la loi 78 qui n'a pas été utilisé jusqu'à maintenant. Et c'est une bonne nouvelle. Et les étudiants qui veulent aller en classe le sont aujourd'hui. Bien, là, on a l'impression d'entendre une ancienne police de la SQ, mais en fait, vous êtes une ancienne police de la SQ. Bien, là, c'est bon. Oui. Jean Charest vous a donné un comté fabuleux, celui de Marguerite Bourgeois, qui est libéral depuis 1966. C'est un très beau cadeau, ça, de Jean Charest. Fait erreur, c'est depuis 65. Ah ouais? Mais, c'est encore pire. Non, mais c'est un méchant beau cadeau de Jean Charest. Est-ce que c'est parce que vous y en avez fait un quand vous étiez dans SQ, un petit cadeau à Jean Charest? Je pense que c'est parce que, honnêtement, je vais vous dire, probablement parce que je suis italien de souche. Et puis, il a compté de la salle, il y a beaucoup d'Italiens, beaucoup de gens multiculturels. Et c'est un comté que je connais très bien, ouais. Avouons-le. Alors, en politique, ça fait pas longtemps que j'y suis. Je sais pas si c'est arrivé, Léo. Moi, en date, j'ai pas eu de cadeau. Je sais pas si tu en as eu, mais des cadeaux, on n'a pas. Ben, j'ai essayé de donner un bat de baseball, ça pas passé. Je suis content que tu l'aies pas pris. Et à partir de là, non, je pense pas que ça... Écoutez, les comtés, il faut que les gens y travaillent, connaissent à l'intérieur. Et j'ai du terrain c'est depuis le comté, début ça? De la campagne. Bien, je trouve ça assez intéressant, faut que j'avoue. J'ai une réalité du terrain vraiment particulière. J'ai visité, évidemment, la salle de spectacle un peu avant qu'elle soit brisée à la veille de l'entrée des étudiants et la salle des jardins au collège André Laurendeau. Mais j'ai visité aussi des centres de personnes âgées. Tu l'as fait avec Gilles Proulx aussi. Ouais, c'est toujours la bonne affaire, d'accord, avec Gilles Proulx. Je peux vous le passer. Ouais, ouais. Non, alors, la police, boum, mais les Québécois. Mais alors. Imitateur, en plus. Et j'ai vu aussi, en fait, avec la jeunesse, parce que ouais. La salle, pour certains, c'est assez riche. J'ai vu des secteurs de la salle qui sont plutôt pauvres et des gens âgés qui reçoivent de la nourriture chaude deux fois semaine. On ne pense pas qu'on a ça nécessairement au Québec et le gouvernement subventionne ces gens-là qui font beaucoup de bénévolat. J'ai été impressionné, j'avoue. Justement, quand vous avez fait votre annonce pour votre arrivée au Parti libéral, c'était avant que M. Duchesneau fasse son annonce pour entrer à la CAQ. Jacques Duchesneau a annoncé que lui avait fait ses propres enquêtes sur le parti avant de rentrer. Et là, je me disais, est-ce que vous avez fait la même chose, vous? Ou c'est la juge Charbonneau qui s'en charge? Bien, honnêtement, je pense que le mandat de la juge Charbonneau est excellent. Je pense qu'elle a ce devoir-là. J'ai vu ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Elle est très bonne. Quand vous dites, a fait son enquête, je connais M. Duchesneau depuis, je vais vous dire, 25 ans minimum, qu'on pourrait aller jusqu'à 30. Oui. Et c'est vrai. Puis on se connaît très bien. Et parce que Jacques a envoyé un de ses fils qui est avocat, une autre personne voir les livres du parti. Oui, bien, il y en a poussé un dehors. Hein? Ça va pas. Effectivement, au passage, je n'aurais pas souligné. C'est vous qui le dites. Bien, c'est moi qui le dis. Et ça va pas dans le jardin secret. De tout le monde. C'est impossible. D'ailleurs, comme citoyen, parce qu'il dit que les citoyens, comme je le suis, c'est impossible pour moi. Supposons, à un moment donné, j'avais décidé de vous enquêter. À part votre coiffeur, je pense pas que j'aurais pu trouver grand-chose. J'ai eu un petit stress, là. C'est pas possible, honnêtement, de dire on va faire une enquête sur tout le monde. Alors, je pense qu'il a voulu s'assurer de l'administration de son parti. Ouais. C'est très bien. J'ai pas d'inquiétude avec le mien. Là, je vous ai les deux, là. Évidemment, deux partisans Deux nouveaux, hein? Oui, deux nouveaux politiciens, tout à fait. Mais quand même, deux personnes. Un qui, évidemment, représentait la loi et l'ordre lors du conflit étudiant. Et évidemment, un ancien leader étudiant. Qui a gagné, finalement? Je pense que c'est le 4 septembre prochain qu'on va voir ça. Hein. Je pense c'est que déjà politicien, c'est bon, j'avais pas pensé. Non, il n'est pas fait. Mais je pense que en fait, la vérité, qui a gagné? Actuellement, il n'y a personne qui a gagné. Quand je regarde les dommages qui sont produits à Montréal, l'économie qui s'est par terre, c'est pas rien. Là. Le métro s'arrête une journée, on sauve de l'argent, ça. On sauve beaucoup d'argent. Oui, mais attendez un peu, je n'ai pas été là. Moi, la victoire, en fait, pour moi, la victoire, elle a juste un mot, ça s'appelle la démocratie. Mais là, vous avez justement dit que vous avez fait le saut en politique, d'ailleurs, pas à peu près pour les mêmes raisons que Léo, mais en fait, de l'autre spectre. Léo veut avoir un endroit au Québec où ça ne coûte pas cher et qu'on a un vraiment bon système d'éducation. Léo, on l'a. Alors, à partir on n'a pas de un vraiment bon système d'éducation, par exemple. Ah non? Ah ben vous ne savez pas compter. Pensez-vous? Ben non, vous l'avez dit tout à l'heure. Non, mais vous avez choisi de faire le saut en politique parce que vous avez été ébranlé par les violences du printemps que vous avez comparées aux violences de 70. J'ai été ébranlé de voir que quelques personnes... Si vous aviez fait ma carrière, probablement que vous auriez moins de cheveux. Ce qui m'a ébranlé, c'est le choc de la démocratie. C'est ça qui m'a dérangé, pas que les gens s'expriment. Parce que ça, en fait, les chartes des droits et libertés, on les connaît très bien. Mm-hmm. Et je suis pour. Mais quand j'entends certaines personnes, un groupe de personnes, et là, j'exclus les étudiants dans leur très grande majorité, décider comment l'État, comment la province va fonctionner, comment on va décider que nos droits empêchent les droits des autres, ça, pour moi, c'est pas acceptable. Et pour parler de ça, il faut aller en politique, parce que si on fait juste n'en parler, on peut rien changer. changer. C'est un peu ce alors, que quand on décide d'y aller, peut-être on pourra changer des choses. Et la bonne nouvelle dans ça, c'est que le spectre de la loi, parce qu'il y en a qui l'ont décrié, à mon avis, à autant, ouais, que comme c'est les correct. Les commissions des droits de la personne. Ouais, est-ce qu'aujourd'hui, ben oui, les droits de la personne, je me rappelle, la dame avait dit justement ici à Radio-Canada que c'était pas correct de fouiller dans sa coche d'une dame ou dans un sac à dos d'une personne. Moi, de mémoire, ma mère n'a pas de masque à gaz dans sa sacoche. Elle n'a pas non plus de balle de billard, ni de balle de baseball. Je le sais, elle est plate, ça n'a pas de bon sens. Fait que pour moi, le thème, c'est la démocratie et c'est respecter les droits de tous. C'est pas seulement d'une petite partie de gens de la société qui décident de la prendre en otage. Mais vous savez, M. Poitier, aussi, vous êtes un policier, vous savez qu'il faut négocier. Vous étiez un policier aussi. Mais ça, je pense à négocier, il faut trouver des solutions. Gêné, vous savez que c'est la lenteur aussi avec laquelle le gouvernement a attendu de négocier que ça a créé tout ça. Et il y a une différence entre fouiller dans la sacoche d'une dame et des étudiants qui perdent leurs yeux. Je veux dire, il y a là peut-être un juste milieu dans la force à appliquer. Bien, en fait, dans la négociation... Il y avait juste à regarder ailleurs. Vu que vous êtes sensible sur les blessures, ben là, si je vous parle des blessures des policiers, vous n'allez pas applaudir. Ben, peut-être plus fort, mais ce qui est un peu embêtant dans ce que tu dis, Léo, c'est que toi-même, tu as décrié les gens qui étaient violents dans les manifestations. Madame Marois a eu un peu de misère avec ça. Tu l'as aidé, je t'avoue, là, pour dire que finalement... Mais tu l'as tellement aidé qu'elle a enlevé son carré rouge. Hein? Ben disons-le oui, lui aussi, d'ailleurs. Là, il est dans ta poche. Mais, ce que je pense, c'est que lorsqu'il y a des manifestations violentes, de part et d'autre, la violence, bien, ça emmène inévitablement une image qui est très laide du Québec. Et pour empêcher que ça aille plus loin, il faut qu'il y ait un mur, il faut que ça s'arrête. Et malheureusement, c'est les policiers qui sont les derniers liens, là. Ils sont à la fin du bout de la chaîne, là, pour que ça s'arrête. Si les policiers n'étaient pas intervenus au Palais des Congrès, où il y avait 600 ou 800 personnes en haut, la vérité, là, comment ça serait terminé? Alors, je pense que... Et depuis le temps, là, y en a-t-il eu des manifestations? Mais... Est-ce que vous vous êtes promené dans les rues? Est-ce que vous n'avez brassé des chaudrons? Il n'y a pas eu grand monde d'arrêter. M. Poitier, je pense que vous tromper, là, c'est pas un candidat libéral que vous devriez être, ou en fait même député. Faut être chef de police à Montréal. on en a un chef de police à Montréal qui est très bon. D'ailleurs, on en avait un qui est rendu en politique. Ben, alors, je pense que chacun sa job, tout va bien. Vous dites comment il est bon? Je fais plus la police. Il roule CR aussi. Puis ça me rassure énormément. Pour un policier, ça me rassure énormément. Merci beaucoup, M. Poitier. Fred, notre prochain chroniqueur. Comme il passe des centaines d'heures par semaine à écouter les médias à l'affût des extraits les plus percutants, il néglige sa santé presque autant qu'un beluga à Marineland. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Oh. Olivier, oui. Quoi de neuf cette semaine? Bien, la fin de semaine dernière, Jean Charest a effectué son premier bain de foule de la campagne à la cantine chez Tiwi, un établissement que j'ai moi-même visité pas plus tard qu'il y a deux semaines. J'aimerais par contre faire remarquer que lors de mon passage chez Tiwi, j'aime ça dire ça, les clients n'étaient pas triés sur le volet, ils avaient l'air à triper pas mal plus sur Nickelback que sur Jean Charest. Il y avait même un gars qui avait un genre de pick-up modifié, vraiment cool, là, avec des néons et une suspension. Ça, c'est du vrai monde de chez nous. C'est avec du monde de même qu'on va l'avoir dans notre pays, comme l'a proposé le poète Claude Péloquin à Bouillante Culture. Tant que le robinet va être ouvert à Dorval pour l'immigration, on n'aura pas de Québec. Non, un vote de plus pour l'École rouge. Ah non, c'est vrai, Claude Roy a retiré sa candidature ce matin. Selon lui, l'École rouge sont devenues jaunes, puis ils ont beau être bien bons pour téléphoner ces lignes ouvertes, là, sont pas forts quand vient le temps d'agir. C'est tellement risible que je trouve pas de joke à faire là-dessus. Okay. En tout cas, lundi, on a pu entendre Pauline Marois à l'émission Sucré-Salé nous dire que ses derniers rapprochements avec son époux avaient été très courts. « Too much information », comme il disait avant la loi 101. Hein? C'est aussi là que François Legault a révélé qu'il avait emprunté 50 000 $ à 29 ans pour fonder Air Transat en cachette de ses parents. À 29 ans, en cachette de ses parents. Maudit fou, toi! Un autre qui n'a pas peur de prendre des risques, là, c'est Jeff Filion, qui a annoncé sur Twitter que si le PQ l'emportait, il allait quitter le Québec. Ben non. Il joue avec le feu, là, mais c'est rien ça. Il joue aussi avec la mort. J'ai manqué mourir cet été. J'ai manqué mourir? D'aplomb, là. Cet été, j'ai défié l'ordre et j'ai pris le risque pour ma santé. Je me suis fait deux burgers très saignants. Hey, on est à une victoire du PQ ou à une livre de bœuf haché pas frais de perdre Jeff Filion. À moins qu'il s'évapore avant en même temps que son auditoire. Mais au moins, Jeff Filion, là, lui, il respecte le vrai monde. Il incite à ne pas se laisser dire quoi faire, à aller au bout de leur liberté. Il y en a d'autres, là, comme le remplaçant de Benoît Dutrisac au 98.5, qui pensent que le monde sont trop niaiseux pour comprendre. C'est un signe religieux ostentatoire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un caractère prosélyte comme l'aurait, par exemple, un voile islamique. comprends pas. Ben écoutez, pourtant c'est tellement simple. Ah ben oui, mais ça, rendez-vous compte là que les gens vous écoutent là, prosélyque ostentatoire, ces mots-là ils ne les comprennent pas. Bon. Ostentatoire, là, ça veut dire étalage indiscret d'une qualité, comme dans faire preuve d'une ignorance ostentatoire. Prosélyte, là, pas prosélique, comme il a dit, là, ça veut dire que tu tripes tellement sur le petit Jésus que ça te dérange pas d'avoir l'air toton devant toute la province. Mercredi, Jean-Nicolas Gagné, directeur de la programmation du nouveau Radio X Montréal, nous assurait que Choix fera évoluer la métropole avec des projets porteurs comme elle l'a fait à Québec avec la Nordic Nation ou, tu sais... La nouvelle radio du Choix depuis des années, c'est une radio aussi qui mène des combats, mais très positif, très constructif. Tu penses à Nordic Nation ou... Tu sais? On a assez hâte de voir quel beau combat va mener Radio X à Montréal, l'Expo Nation ou transformer le plateau en immense stationnement, là, le Big Parking Nation, quelque chose comme ça. En tout cas, pour rester dans le sport et la vacuité, hier, TVA Sport nous annonçait qu'ils avaient enfin mis la main sur la perle rare qui allait venir ajouter un peu de pep à leur programmation, Jacques Martin. Bien, je pense que le l'aspect le plus... flagrant, peut-être l'inconstance, disons, dans ce qui concerne notre jeu, c'est de dévier de la façon qui nous amène du succès. Dire qu'il y en a qui s'inquiètent de ce qu'on va faire s'il y a un lock-out. On va dormir, cette affaire. Je renouvelle mon abonnement à TVA Sport de ce pas. Bonne nuit, tout le monde. Bye-bye. Eh bien... On est très content de retrouver Jacques Martin. Ah oui. Toujours dans l'objectif d'offrir à tous les partis politiques la publicité gratuite, on a pris au bon la balle qu'avait lancée Patrick Bourgeois, chanteur des toujours pertinents bébés et partisan de la coalition Avenir Québec, en transformant un de ses vieux succès en hymne caquiste. On écoute. Hein, des fois, François Legault. Oui, mais les bébés n'ont pas pris une ride. Hein. Non, ça, c'est vrai. On va les retrouver. Jean-Sébastien, j'espère que vous êtes toujours avec Jean-Gilles. Oui, toujours avec Jean-Jacques dans sa circonscription. Et ben, finalement, je suis en train de m'attacher. Je le trouve bien fin, ce garçon-là. J'ai pensé même lui écrire une chanson de la même manière qu'une citoyenne a décidé d'envoyer une chanson au petit Léo. Oui. Est-ce que, petit Léo, vous l'aimez, votre chanson? Est-ce que c'est une bonne idée d'envoyer une chanson à un candidat? J'ai peut-être pas la chanson du parti sur mon iPod, mais j'ai celle-là. C'est vrai, dans les yeux de Léo, c'est très beau, hein? Vous allez faire la même chose, Jean-Sébastien? Je peux bien. Alors, ça s'appelle « Dans les yeux de Jean-Martin ». Bon. Alors, voici. Oui, oui, c'est ça. « Dans les yeux de Jean-Martin, tout le bleu du Québec, le bleu du beau grand fleuve, une promesse toute neuve. Dans les yeux de Jean-Martin, une promesse d'amour, il se porte à notre secours, c'est peut-être notre Samaritain. Dans les yeux des spectateurs du débat, pas de Jean-Martin, il aurait voulu y être, toutes les femmes seront en pleurs. Et je termine avec ceci, dans les yeux de Jean-Martin, un avenir diamantin, la la la la la la, dans les yeux de Jean-Martin. Est-ce qu'il est à côté de vous? Oui, il est à côté de moi. Puis? Ben, venez-vous-en, venez-vous-en, venez-vous-en. Bon, vous en pensez quoi? On voit les influences Normand Lamour quand même, on voit. Madrid, c'est dans mon comté. Si je pense que vous êtes arrêté là avant d'arriver ici. Laquelle vous préférez entre celle-là et celle de Léo? Je vais prendre la mienne quand même. Ouais. C'est vrai? Oui, je vais prendre la mienne. Excellent. Ben, merci beaucoup d'avoir été partiellement avec nous. On vous souhaite une bonne campagne et on se revoit très bientôt. Au plaisir. Hey, vous direz qu'il fasse attention avec son véhicule de campagne, là. Oui, faites attention avec votre véhicule de campagne. Faut mettre un casque en vélo. Correct? Un casque en vélo. Il dit qu'il faut mettre un casque en vélo. Je suis en voiture, donc ça va. Ah, mon Dieu, ils ont de l'argent, pareil. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci infiniment. Fred, c'est à vous. Notre correspondant parlementaire n'a pas pu avoir sa place dans les caravanes des partis, essentiellement parce qu'il travaille au Off-Post, un média de seconde zone. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Bonsoir. Bon. Hein? Bonsoir Léo. Bonsoir Monsieur Poetti, hein, les deux Italiens. D'ailleurs, vous allez peut-être redorer le blason les si deux vous devenez ministre. Là, les deux Italiens, vous et M. Poetti? Oui, oui, exactement. Parce que Léo n'est pas italien. Mais le dernier ministre italien, ça s'est mal passé. Lequel, donc? Enfin, Jean-Philippe, on est déjà à mi-campagne. Ça passe très, très, très vite. Ah, vous trouvez-vous? Hein? Ah, moi, je trouve que ça passe très vite. Hein? Bien, moi, je trouve pas tant que ça. On dirait que la question là, qui normalement dans toutes les campagnes, est-ce que vous avez déjà fumé d'adroy? Ça n'a même pas été posé. C'est vrai. Je l'ai demandé quand même à Léo tantôt. Oui? S'il en prenait encore, il n'en prend pas. Encore? Il écoute du Mozart les fins de semaine. Ouh. Vous M. Poitier? Oui. Et moi, vous avez vu l'âge, hein? Alors, ma génération est très populaire, alors, avec ça. Alors, non. Il est à l'eau depuis le début de l'émission. Je vois pas d'alcool, juste du vin. Mais donc, vous avez quand même décidé de vous pencher sur les promesses électorales, et ça, je trouve ça le fun. Oui, parce que c'est bien de rappeler ça à la mémoire des gens, parce qu'avec Twitter, on sait que la mémoire politique des Québécois est tombée à 4 minutes 26. D'ailleurs, votre nom, vous, c'est... Claude, oui, OK. Donc, on commence avec le Parti libéral, le PLQ. Jean Charest veut forcer les jeunes à faire 10 heures de bénévolat obligatoire. Notez quand même la blague, bénévolat obligatoire. Ouais. dans le Nord, autant que possible. Pourtant, au PLQ, c'est assez rare qu'on travaille bénévolement. Hein? Écoute, je ne sais pas. Là, on je ne dirais pas ça pour les derniers 30 jours, il faut que je te dise. Peut-être, mais... c'est pas mal d'heures. Hein? Ah oui, hein? Mais cette promesse-là, c'est peut-être aussi pour le fils de François Legault, qu'on sait maintenant qui se lève en plein milieu de l'après-midi. Oui, hein? On veut ça sur Twitter. Donc, autre promesse, 100 $ pour les fournitures scolaires. C'est quand même pas si mal. Comme ça, Raymond Bachand va pouvoir annoncer dans son prochain budget la hausse des tarifs de Colprit, d'efface Stadler, Mars Plastique et de Cahiers Canada. Et on va aussi garder le prix des garderies sous les 8 $ par jour, crédit d'impôt pour inciter les plus vieux à rester au travail. Bref, tout pour empêcher les gens d'être dans la rue. On félicite M. Charest pour ça. Même la couverture dentaire étendue aux ados qui en ont bien besoin, hein, Jean-Philippe, parce qu'ils en ont perdu une coupe dans les manifs de cet été. Donc, voilà pour le PLQ. Et pour les autres partis? Le PQ, d'abord. Ouais, bonne nouvelle. Hein, selon mes sources, la campagne du PQ va bientôt commencer, d'ailleurs. Mais on se souvient de leur premier engagement. Le premier engagement de Pauline Marois, c'était de ne pas nommer Léo comme ministre. C'est vrai. Monsieur Duchesneau depuis arranger ça. Ben, c'est ça, mais pourtant, la question des compétences limitées, ça n'a jamais vraiment arrêté Jean Charest. Mais j'ai des compétences transversales. aussi, fini de demander aux députés de remplir la caisse du parti, comme ça, le PQ va vraiment se battre à armes égales avec Québec solidaire. C'est une très bonne chose. Et la fin de la loi 78 aussi, pour être sûr que Pauline ne se fasse jamais prendre encore à taper sur des casseroles. Ouais. Et bien sûr, la fameuse charte de la laïcité, ça, vous en avez parlé beaucoup, sauf pour le crucifix. Pourtant, Mme Marois est pas mal habituée à se faire crucifier dans son parti. Oui, hein? c'est bizarre hein, quand même. Puis les autres partis qui ne seront pas élus? Là. Ben, je finis avec la CAQ avant. Ceux qui ont des pubs là, comme des annonces de char. Ouais. Eux autres, c'est les promesses quand même assez ordinaires. Fini l'attente dans le système de santé en un an, équilibrer les finances, rembourser la dette, baisser les impôts de 1 000 $, 1 000 $ pour l'achat d'une maison, des congés payés aux jeunes parents, un meilleur salaire aux médecins, 100 millions de plus en culture. Ça, c'est pour la première moitié. La semaine prochaine, vous annoncez 2 médecins de famille par Québécois. Le CHUM va être construit d'ici le mois d'octobre. Gaétan Barrette va régler le conflit israélo-palestinien. Et Jacques Duchesneau va nous dire qui a tué Kennedy. Arrêtez donc! Ça va être très bon, ça. Ça promet, Là, parlons vraiment des partis qui ne seront pas élus. Ceux que vous aimez, là. Mes préférés. Ben, Québec solidaire, hein, budget équilibré, contrairement à leurs candidats. Et on va aussi interdire le lockout, rien de moins, hein, quand même. Watch out, Gary Bettman, le Françoise David s'en vient. Oui, j'ai lu ça. Tu vas te frotter à elle. Un plan vert aussi de 160 000 emplois. Puis en transport, on dit un lien haute vitesse entre Québec et Montréal. Mais Québec solidaire m'a bien dit que c'était pas un TGV. Je pense qu'on parlait d'Internet. Finalement, Option nationale, de son côté, souveraineté, réformer le mode de scrutin, gratuité scolaire, on le sait, et surtout mettre une photo de Jean-Martin Hossan comme fond d'écran des téléphones de toutes les filles du Québec. Ben alors, on va voir ça. Ça, on a très hâte. Et on surveille quoi la semaine prochaine? Ben, les débats, d'abord. D'ailleurs, vous regardez ça avec une bière, tout le monde. À chaque fois que Jean Charest dit carré rouge, Pauline Marois dit corruption et François Legault dit on verra, vous prenez une gorgée. C'est très, très drôle. Et on surveille ça. Et aussi, on surveille qui va perdre l'élection en premier. En fait, c'est très simple. Dès que les candidats commencent à dire « On sent pas ça sur le terrain », normalement, c'est qu'ils ont perdu. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci énormément. C'est déjà tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute. Je vous en prie, dans quelques minutes, Monique Giroux fait une scène et tout de suite après, c'est Bande à part avec le retour d'Alex Courteau. Merci à toute l'équipe. Évidemment, Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage, Julie-Christine Parent, Charles Plourde et évidemment le fabuleux et immensément généreux Philippe Roberge à la console et à la musique. Un immense merci à nos invités, Robert Poëti. Bonne chance dans votre circonscription de Marguerite Bourgeois. Merci. Bonne fin de campagne. Bon courage à Léo Bureau-Blouin, particulièrement si vous êtes élu. C'est pas facile de déménager à Laval des Rapides. Et quant à nous, vous pouvez nous suivre sur Twitter à twitter.com/lasoirée, nous réécouter en balado évidemment et écrivez-nous si vous voulez assister à notre prochaine émission. C'est vendredi 19h. Jean-Philippe Vautier, c'est mon nom et je vous souhaite une très belle soirée.